Salomon a dit : J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Aujourd'hui, tel est notre désir le plus ardent, Seigneur, que nos cœurs soient ta demeure. Saint-Esprit, nous te désirons. Senga molimo nayo mitima etundina posa tundisa biso Nous t'invitons Seigneur dirige-nous vers la demeure de ta sainteté continuellement dans ta présence. Alléluia. Esprit de gloire, esprit de sagesse, viens et fais ta demeure en nous. Seigneur, dans l'océan de ton amour, nous venons nous abréver en ce moment. Fais-nous du bien, nous t'aimons Seigneur. Alléluia. Seigneur, rejeté par le monde à cause de nos fautes, nous venons trouver refuge en nous. Toi qui pardonnes et qui oublies, nous désaltérer dans la rosée de ton amour. Si tu te souvenais de nos fautes, Seigneur, personne en réalité ne pourra te servir. Voilà pourquoi nous nous prosternons dans ta présence, pour te dire, Seigneur, que nous ne sommes pas dignes, et nous plongeons dans l'océan de ton amour, Seigneur. Sanctifie-nous. Je viens me laver dans l'océan, dans l'océan de ton amour. Je viens me laver dans la rosée, dans la rosée de ton amour. Dans la rosée de ton amour. bandisa motema nangai motema nangai na posa na yo na ye utondisa motema nangai motema nangai na posa na yo na ye utondisa Elohim, créateur de toutes choses, redonne vie à nos entreprises, redonne vie à nos ministères, redonne vie à nos familles et redonne vie à notre nation. Yisekou. Yesu Masia, Yonozali, Papa Nalola, Totatolio, Misala na yo yambuya etini toloba yozali. Tolo lenge nini, abota mazanga papa Bane koya lazalo na kule laba mituni wapi Koya na yo lazalo sekwi, patato liyo Ya ya Yesu Ya ya Yesu we Ya Yesu yo Okozalika mwa Totatoli yonde Ya Yesu yo kotana kunda mabele sanza yo poyosa Lelo yo vandi na kembo Totatoli yonde Na Europa batatola Afrika, Amerika baloba yo Oceania, Asia baloba Yesu yo Ya yananga